Livre 9, quatrième partie. Ce ne fut pas là, comme on verra bientôt, le seul chagrin que m'attira ma faiblesse. Mais j'en avais d'autres, non moins sensibles, que je ne m'étais point attiré et qui n'avaient pour cause que le désir de m'arracher de ma solitude, à force de m'y tourmenter. Ceci me venait de la part de Diderot et des Olbachiens. Depuis mon établissement à l'Ermitage, Diderot n'avait cessé de m'y harceler, soit par lui-même, soit par Delaire. Et je vis bientôt, aux plaisanteries de celui-ci sur mes courses boscaresques, avec quel plaisir ils avaient travesti l'ermite en galant berger. Mais il n'était pas question de cela dans mes prises avec Diderot. Elles avaient des causes plus graves. Après la publication du Fils naturel, il m'en avait envoyé un exemplaire, que j'avais lu avec l'intérêt et l'attention qu'on donne aux ouvrages d'un ami. En lisant l'espèce de poétique en dialogue qu'il y a jointe, je fus surpris et même un peu contristé d'y trouver, parmi plusieurs choses désobligeantes mais tolérables, contre les solitaires, cette âpre et dure sentence, sans aucun adoucissement. Il n'y a que le méchant qui soit seul. Cette sentence est équivoque et présente deux sens, ce me semble. L'un très vrai, l'autre très faux, puisqu'il est même impossible qu'un homme qui est et veut être seul puisse et veuille nuire à personne, et par conséquent qu'il soit un méchant. La sentence en elle-même exigeait donc une interprétation. Elle l'exigeait bien plus encore de la part d'un auteur qui, lorsqu'il imprimait cette sentence, avait un ami retiré dans une solitude. Il me paraissait choquant et malhonnête ou d'avoir oublié en la publiant cet ami solitaire, ou, s'il s'en était souvenu, de n'avoir pas fait, du moins en maxime générale, l'honorable et juste exception qu'il devait, non seulement à cet ami, mais à tant de sages respectés, qui, dans tous les temps, ont cherché le calme et la paix dans la retraite, et dont, pour la première fois depuis que le monde existe, un écrivain s'avise, avec un seul trait de plume, de faire indistinctement autant de scélérats. J'aimais tendrement Diderot, je l'estimais sincèrement, et je comptais avec une entière confiance sur les mêmes sentiments de sa part. Mais, excédé de son infatigable obstination à me contrarier éternellement sur mes goûts, mes penchants, ma manière de vivre, sur tout ce qui n'intéressait que moi seul, révolté de voir un homme plus jeune que moi vouloir à toute force me gouverner comme un enfant, rebuté de sa facilité à promettre et de sa négligence à tenir, ennuyé de tant de rendez-vous donnés et manqués de sa part, et de sa fantaisie d'en donner toujours de nouveaux pour y manquer de rechef, gêné de l'attendre inutilement 3 ou 4 fois par mois, les jours marqués par lui-même, et de dîner seul le soir après être allé au-devant de lui jusqu'à Saint-Denis et l'avoir attendu toute la journée, j'avais déjà le cœur plein de ses torts multipliés. Ce dernier me parut plus grave et me navra davantage. Je lui écrivis pour m'en plaindre, mais avec une douceur et un attendrissement qui me fit inonder mon papier de mes larmes, et ma lettre était assez touchante pour avoir dû lui en tirer. On ne devinerait jamais quelle fut sa réponse sur cet article. La voici mot pour mot. Lias A, numéro 33. Je suis bien aise que mon ouvrage vous ait plu, qu'il vous ait touché. Vous n'êtes pas de mon avis sur les ermites. Dites-en tant de bien qu'il vous plaira, vous serez le seul au monde dont j'en penserai. Encore, y aurait-il bien à dire là-dessus, si l'on pouvait vous parler sans vous fâcher d'une femme de 80 ans, etc. On m'a dit une phrase d'une lettre du fils de Madame d'Épinay, qui a dû vous peiner beaucoup, ou je connais mal le fond de votre âme. Il faut expliquer les deux dernières phrases de cette lettre. Au commencement de mon séjour à l'Ermitage, Madame Levasseur parut s'y déplaire et trouvait l'habitation trop seule. Ses propos là-dessus m'étant revenus, je lui offris de la renvoyer à Paris si elle s'y plaisait davantage, d'y payer son loyer et d'y prendre le même soin d'elle que si elle était encore avec moi. Elle rejeta mon offre, me protesta qu'elle se plaisait fort à l'ermitage, que l'air de la campagne lui faisait bien, et l'on voyait que cela était vrai, car elle y rajeunissait, pour ainsi dire, et s'y portait beaucoup mieux qu'à Paris. Sa fille m'assura même qu'elle eût été dans le fond très fâchée que nous quittassions l'ermitage, qui réellement était un séjour charmant, aimant fort le petit tripotage du jardin et des fruits dont elle avait le maniement, mais qu'elle avait dit ce qu'on lui avait fait dire pour tâcher de m'engager à retourner à Paris. Cette tentative n'ayant pas réussi, ils tâchèrent d'obtenir, par le scrupule, l'effet que la complaisance n'avait pas produit, et me firent un crime de garder là cette vieille femme, loin des secours dont elle pouvait avoir besoin à son âge, sans songer qu'elle et beaucoup d'autres vieilles gens, dont l'excellent air du pays prolonge la vie, pouvaient tirer ses secours de Montmorency, que j'avais à ma porte. Et comme s'il n'y avait des vieillards qu'à Paris et que partout ailleurs ils fussent hors d'état de vivre. Madame Levasseur, qui mangeait beaucoup et avec une extrême voracité, était sujette à des débordements de bile et à de fortes diarrhées qui lui duraient quelques jours et lui servaient de remède. À Paris, elle n'y faisait jamais rien et laissait agir la nature. Elle en usait de même à l'ermitage, sachant bien qu'il n'y avait rien de mieux à faire. N'importe. Parce qu'il n'y avait pas des médecins et des apothicaires à la campagne, c'était vouloir sa mort que de l'y laisser, quoiqu'elle s'y portât très bien. Diderot aurait dû déterminer à quel âge il n'est plus permis, sous peine d'homicide, de laisser vivre les vieilles gens hors de Paris. C'était là une des deux accusations atroces sur lesquelles il ne m'acceptait pas de sa sentence. Qu'il n'y avait que le méchant qui fût seul, et c'était ce que signifiait son exclamation pathétique et l'etc. qu'il y avait bénignement ajouté. Une femme de 80 ans, etc. Je crus ne pouvoir mieux répondre à ce reproche qu'en m'en rapportant à Madame Levasseur elle-même. Je la priai d'écrire naturellement son sentiment à Madame d'Épinay. Pour la mettre plus à son aise, je ne voulus point voir sa lettre, et je lui montrai celle que je vais transcrire et que j'écrivais à Madame d'Épinay, au sujet d'une réponse que j'avais voulu faire à une autre lettre de Diderot, encore plus dure, et qu'elle m'avait empêchée d'envoyer. Ce jeudi. Madame Levasseur doit vous écrire, ma bonne amie. Je l'ai priée de vous dire sincèrement ce qu'elle pense. Pour la mettre bien à son aise, je lui ai dit que je ne voulais point voir sa lettre, et je vous prie de ne me rien dire de ce qu'elle contient. Je n'enverrai pas ma lettre, puisque vous vous y opposez. Mais, me sentant très grièvement offensée, il y aurait, à convenir que j'ai tort, une bassesse et une fausseté que je ne saurais me permettre. L'Évangile ordonne bien à celui qui reçoit un soufflet d'offrir l'autre joue, mais non pas de demander pardon. Vous souvenez-vous de cet homme de la comédie qui crie en donnant des coups de bâton ? Voilà le rôle du philosophe. Ne vous flattez pas de l'empêcher de venir par le mauvais temps qu'il fait. Sa colère lui donnera le temps et les forces que l'amitié lui refuse, et ce sera la première fois de sa vie qu'il sera venu le jour qu'il avait promis. Il s'excédera pour venir me répéter de bouche les injures qu'il me dit dans ses lettres. Je ne les endurerai rien moins que patiemment. Il s'en retournera être malade à Paris, et moi je serai, selon l'usage, un homme fort odieux. Que faire? Il faut souffrir. Mais n'admirez-vous pas la sagesse de cet homme qui voulait me venir prendre à Saint-Denis en fiacre, y dîner, me ramener en fiacre, et à qui, 8 jours après, Lias A, numéro 34, sa fortune ne permet plus d'aller à l'ermitage autrement qu'à pied. Il n'est pas absolument impossible, pour parler son langage, que ce soit là le ton de la bonne foi. Mais, en ce cas, il faut qu'en 8 jours, il soit arrivé d'étranges changements dans sa fortune. Je prends part au chagrin que vous donne la maladie de madame votre mère. mais vous voyez que votre peine n'approche pas de la mienne. On souffre moins encore à voir malades les personnes qu'on aime qu'injustes et cruelles. Adieu, ma bonne amie. Voici la dernière fois que je vous parlerai de cette malheureuse affaire. Vous me parlez d'aller à Paris avec un sang-froid qui me réjouirait dans un autre temps. » J'écrivis à Diderot ce que j'avais fait au sujet de Madame Levasseur sur la proposition de Madame d'Épinay elle-même. Et Madame Levasseur ayant choisi, comme on peut bien croire, de rester à l'Ermitage, où elle se portait très bien, où elle avait toujours compagnie et où elle vivait très agréablement, Diderot, ne sachant plus de quoi me faire un crime, m'en fit un de cette précaution de ma part et ne laissa pas de m'en faire un autre de la continuation du séjour de Madame Levasseur à l'Ermitage, quoique cette continuation fût de son choix et qu'il n'eût tenu et ne tint toujours qu'à elle de retourner vivre à Paris avec les mêmes secours de ma part qu'elle avait auprès de moi. Voilà l'explication du premier reproche de la lettre de Diderot, numéro 33. Celle du second est dans sa lettre numéro 34. Le lettré, c'était un nom de plaisanterie donné par Grimm au fils de Madame d'Épinay. Le lettré a dû vous écrire qu'il y avait sur le rempart 20 pauvres qui mouraient de faim et de froid et qui attendaient le liard que vous leur donniez. C'est un échantillon de notre petit Babil, et si vous entendiez le reste, il vous amuserait comme cela. Voici ma réponse à ce terrible argument dont Diderot paraissait si fier. Je crois avoir répondu au lettré, c'est-à-dire au fils d'un fermier général, que je ne plaignais pas les pauvres qu'il avait aperçus sur le rempart attendant mon liard, qu'apparemment il les en avait amplement dédommagés, que je l'établissais mon substitut, que les pauvres de Paris n'auraient pas à se plaindre de cet échange, que je n'en trouverais pas aisément un aussi bon pour ceux de Montmorency, qui en avaient beaucoup plus de besoin. Il y a ici un bon vieillard respectable, qui, après avoir passé sa vie à travailler, ne le pouvant plus, meurt de faim sur ses vieux jours. Ma conscience est plus contente des 2 sous que je lui donne tous les lundis que des 100 liards que j'aurais distribués à tous les gueux du rempart. Vous êtes plaisants, vous autres philosophes, quand vous regardez tous les habitants des villes comme les seuls hommes auxquels vos devoirs vous lient. C'est à la campagne qu'on apprend à aimer et à servir l'humanité. On n'apprend qu'à la mépriser dans la ville. Tels étaient les singuliers scrupules sur lesquels un homme d'esprit avait l'imbécilité de me faire sérieusement un crime de mon éloignement de Paris, et prétendait me prouver, par mon propre exemple, qu'on ne pouvait vivre hors de la capitale sans être un méchant homme. Je ne comprends pas aujourd'hui comment j'eus la bêtise de lui répondre et de me fâcher, au lieu de lui rire au nez pour toute réponse. Cependant, les décisions de Madame d'Épinay et les clameurs de la coterie holbachique avaient tellement fasciné les esprits en sa faveur que je passais généralement pour avoir tort dans cette affaire, et que Madame d'Oudetot elle-même, grande enthousiaste de Diderot, voulut que j'allasse le voir à Paris, et que je fisse toutes les avances d'un raccommodement qui, tout sincère et entier qu'il fût de ma part, se trouva pourtant peu durable. L'argument victorieux sur mon cœur dont elle se servit fut qu'en ce moment Diderot était malheureux. Outre l'orage excité contre l'encyclopédie, il en essuyait alors un très violent au sujet de sa pièce, que, malgré la petite histoire qu'il avait mise à la tête, on l'accusait d'avoir prise en entier de Goldoni. Diderot, plus sensible encore aux critiques que Voltaire, en était alors accablé. Madame de Graffigny avait même eu la méchanceté de faire courir le bruit que j'avais rompu avec lui à cette occasion. Je trouvais qu'il y avait de la justice et de la générosité de prouver publiquement le contraire, et j'allais passer 2 jours, non seulement avec lui, mais chez lui. Ce fut, depuis mon établissement à l'Ermitage, mon second voyage à Paris. J'avais fait le premier pour courir au pauvre Gaufrecourt, qui eut une attaque d'apoplexie dont il n'a jamais été bien remis, et durant laquelle je ne quittais pas son chevet, qu'il ne fût hors d'affaire. Diderot me reçut bien. Que l'embrassement d'un ami peut effacer de tort. Quel ressentiment peut, après cela, rester dans le cœur? Nous eûmes peu d'explications. Il n'en est pas besoin pour des invectives réciproques. Il n'y a qu'une chose à faire, savoir de les oublier. Il n'y avait point eu de procédés souterrains, du moins qui fussent à ma connaissance. Ce n'était pas comme avec Madame d'Épinay. Il me montra le plan du père de famille. « Voilà, lui dis-je, la meilleure défense du fils naturel. Gardez le silence, travaillez cette pièce avec soin, et puis jetez-la tout d'un coup au nez de vos ennemis pour toute réponse. » Il le fit, et s'en trouva bien. Il y avait près de 6 mois que je lui avais envoyé les 2 premières parties de la Julie, pour m'en dire son avis. Il ne les avait pas encore lues. Nous en lûmes un cahier ensemble. Il trouva tout cela « feuillu », ce fut son terme, c'est-à-dire chargé de paroles et redondant. Je l'avais déjà bien senti moi-même, mais c'était le bavardage de la fièvre. Je ne l'ai jamais pu corriger. Les dernières parties ne sont pas comme cela. La 4e surtout, et la 6e, sont des chefs-d'œuvre de diction. Le second jour de mon arrivée, il voulut absolument me mener souper chez M. d'Holbach. Nous étions loin de compte, car je voulais même rompre l'accord du manuscrit de chimie dont je m'indignais d'avoir l'obligation à cet homme-là. Diderot l'emporta sur tout. Il me jura que M. d'Holbach m'aimait de tout son cœur, qu'il fallait lui pardonner un ton qu'il prenait avec tout le monde et dont ses amis avaient plus à souffrir que personne. Il me représenta que refuser le produit de ce manuscrit, après l'avoir accepté 2 ans auparavant, était un affront au donateur, qu'il n'avait pas mérité, et que ce refus pourrait même être mésinterprété, comme un secret reproche d'avoir attendu si longtemps d'en conclure le marché. « Je vois d'Holbach tous les jours, » ajouta-t-il. « Je connais mieux que vous l'état de son âme. Si vous n'aviez pas lieu d'en être content, « croyez-vous votre ami capable de vous conseiller une bassesse ?» Bref, avec ma faiblesse ordinaire, je me laissai subjuguer, et nous allâmes souper chez le baron, qui me reçut à son ordinaire. Mais sa femme me reçut froidement, et presque malhonnêtement. Je ne reconnus plus cette aimable Caroline, qui marquait avoir pour moi tant de bienveillance étant fille. J'avais cru sentir, dès longtemps auparavant, que, depuis que Grimm fréquentait la maison d'Aisne, on ne m'y voyait plus d'aussi bon œil. Tandis que j'étais à Paris, Saint-Lambert y arriva de l'armée. Comme je n'en savais rien, je ne le vis qu'après mon retour en campagne, d'abord à la Chevrette et ensuite à l'Ermitage, où il vint, avec Madame d'Houdetot, me demander à dîner. On peut juger si je l'ai reçu avec plaisir. Mais j'en pris bien plus encore à voir leur bonne intelligence. Content de n'avoir pas troublé leur bonheur, j'en étais heureux moi-même. Et je puis jurer que durant toute ma folle passion, mais surtout en ce moment, quand j'aurais pu lui ôter Madame d'Houdetot, je ne l'aurais pas voulu faire, et je n'en aurais pas même été tenté. Je la trouvais si aimable, aimant Saint-Lambert, que je m'imaginais à peine qu'elle eût pu l'être autant en m'aimant moi-même. Et, sans vouloir troubler leur union, tout ce que j'ai le plus véritablement désiré d'elle dans mon délire était qu'elle se laissât aimer. Enfin, de quelque violente passion que j'ai brûlée pour elle, je trouvais aussi doux d'être le confident que l'objet de ses amours, et je n'ai jamais un moment regardé son amant comme mon rival, mais toujours comme mon ami. On dira que ce n'était pas encore là de l'amour. Soit, mais c'était donc plus. Pour Saint-Lambert, il se conduisit en honnête homme et judicieux. Comme j'étais le seul coupable, je fus aussi le seul puni, et même avec indulgence. Il me traita durement, mais amicalement, et je vis que j'avais perdu quelque chose dans son estime, mais rien dans son amitié. Je m'en consolais, sachant que l'une me serait bien plus facile à recouvrer que l'autre, et qu'il était trop sensé pour confondre une faiblesse involontaire et passagère avec un vice de caractère. S'il y avait de ma faute dans tout ce qui s'était passé, il y en avait bien peu. N'était-ce moi qui avais recherché sa maîtresse? N'était-ce pas lui qui me l'avait envoyée? N'était-ce pas elle qui m'avait cherché? Pouvais-je éviter de la recevoir? Que pouvais-je faire? Eux seuls avaient fait le mal, et c'était moi qui l'avais souffert. À ma place, il en eût fait autant que moi, peut-être pis. Car enfin, quelque fidèle, quelque estimable que fût Madame Doutetot, elle était femme. Il était absent, les occasions étaient fréquentes, les tentations étaient vives, et il lui eût été bien difficile de se défendre toujours avec le même succès contre un homme plus entreprenant. C'était assurément beaucoup pour elle et pour moi, dans une pareille situation, d'avoir pu poser des limites que nous ne nous soyons jamais permis de passer. Quoique je me rendisse, au fond de mon cœur, un témoignage assez honorable, tant d'apparence était contre moi, que l'invincible honte qui me domina toujours me donnait devant lui tout l'air d'un coupable. Et il en abusait souvent pour m'humilier. Un seul trait peindra cette position réciproque. Je lui lisais, après le dîner, la lettre que j'avais écrite l'année précédente à Voltaire, et dont lui, Saint Lambert, avait entendu parler. Il s'endormit durant la lecture. Et moi, jadis si fier, aujourd'hui si sot, je n'osais jamais interrompre ma lecture et continuais de lire tandis qu'il continuait de ronfler. Telles étaient mes indignités et telles étaient ses vengeances. Mais sa générosité ne lui permit jamais de les exercer qu'entre nous trois. Quand il fut reparti, je trouvai Madame Doutetot fort changée à mon égard. J'en fus surpris, comme si je n'avais pas dû m'y attendre. J'en fus touché, plus que je n'aurais dû l'être, et cela me fit beaucoup de mal. Il semblait que tout ce dont j'attendais ma guérison ne fit qu'enfoncer dans mon cœur davantage le trait qu'enfin j'ai plutôt brisé qu'arraché. J'étais déterminée tout à fait à me vaincre et à ne rien épargner pour changer ma folle passion en une amitié pure et durable. J'avais fait pour cela les plus beaux projets du monde, pour l'exécution desquels j'avais besoin du concours de Madame Doutetot. Quand je voulus lui parler, je la trouvai distraite, embarrassée. Je sentis qu'elle avait cessé de se plaire avec moi, et je vis clairement qu'il s'était passé quelque chose qu'elle ne voulait pas me dire et que je n'ai jamais su. Ce changement, dont il me fut impossible d'obtenir l'explication, me navra. Elle me redemanda ses lettres. Je les lui rendis toutes, avec une fidélité dont elle me fit l'injure de douter un moment. Ce doute fut encore un déchirement inattendu pour mon cœur, qu'elle devait si bien connaître. Elle me rendit justice, mais ce ne fut pas sur le champ. Je compris que l'examen du paquet que je lui avais rendu lui avait fait sentir son tort. Je vis même qu'elle se le reprochait, et cela me fit regagner quelque chose. Elle ne pouvait retirer ses lettres sans me rendre les miennes. Elle me dit qu'elle les avait brûlées. J'en osais douter à mon tour, et j'avoue que j'en doute encore. Non, l'on ne met point au feu de pareilles lettres. On a trouvé brûlante celle de la Julie. Eh Dieu, qu'aurait-on donc dit de celle-là? Non, non, jamais celle qui peut inspirer une pareille passion n'aura le courage d'en brûler l'épreuve. Mais je ne crains pas non plus qu'elle en ait abusé. Je ne l'en crois pas capable. Et de plus, j'y avais mis bon ordre. La sotte mais vive crainte d'être persiflée m'avait fait commencer cette correspondance sur un ton qui mit mes lettres à l'abri des communications. Je portais jusqu'à la tutoyer la familiarité que j'y pris dans mon ivresse. Mais quel tutoiement! Elle n'en devait sûrement pas être offensée. Cependant, elle s'en plaignit plusieurs fois, mais sans succès. Ces plaintes ne faisaient que réveiller mes craintes. Et d'ailleurs, je ne pouvais me résoudre à rétrograder. Si ces lettres sont encore en être et qu'un jour elles soient vues, on connaîtra comment j'ai aimé. La douleur que me causa le refroidissement de Madame Doutetot et la certitude de ne l'avoir pas méritée me firent prendre le singulier parti de m'en plaindre à Saint-Lambert même. En attendant l'effet de la lettre que je lui écrivis à ce sujet, je me jetai dans les distractions que j'aurais dû chercher plus tôt. Il y eut des fêtes à la Chevrette, pour lesquelles je fis de la musique. Le plaisir de me faire honneur auprès de Madame Doutetot, d'un talent qu'elle aimait, excita ma verve. Et un autre objet contribuait encore à l'animer, savoir le désir de montrer que l'auteur du devin du village savait la musique. Car je m'apercevais depuis longtemps que quelqu'un travaillait en secret à rendre cela douteux, du moins quant à la composition. Mon début à Paris, les épreuves où j'y avais été mise à diverses fois, tant chez M. Dupin que chez M. de la Poplinière, quantité de musique que j'y avais composée pendant 14 ans au milieu des plus célèbres artistes et sous leurs yeux, enfin l'opéra des Muses Galantes, celui-là même du Devin, un motet que j'avais fait pour Mademoiselle Fell et qu'elle avait chanté au concert spirituel, tant de conférences que j'avais eues sur ce bel art avec les plus grands maîtres, tout semblait devoir prévenir ou dissiper un pareil doute. Il existait cependant, même à la Chevrette, et je voyais que M. d'Épinay n'en était pas exempt. Sans paraître m'apercevoir de cela, je me chargeais de lui composer un motet pour la dédicace de la chapelle de la Chevrette, et je le priais de me fournir des paroles de son choix. Il chargea Delinant, le gouverneur de son fils, de les faire. Delinant arrangea des paroles convenables au sujet, et 8 jours après qu'elles m'eurent été données, le motet fut achevé. Pour cette fois, le dépit fut mon Apollon, et jamais musique plus étoffée ne sortit de mes mains. Les paroles commencent par ces mots « Ecce sedes hic tonantis ». La pompe du début répond aux paroles. Et toute la suite du motet est d'une beauté de chant qui frappa tout le monde. J'avais travaillé en grand orchestre. D'Épinay rassembla les meilleurs symphonistes. Madame Bruna, chanteuse italienne, chanta le motet et fut bien accompagnée. Le motet eut un si grand succès qu'on l'a donné dans la suite au concert spirituel, où, malgré les sourdes cabales et l'indigne exécution, il y a eu 2 fois les mêmes applaudissements. Je donnais, pour la fête de M. d'Épinay, l'idée d'une espèce de pièce, moitié drame, moitié pantomime, que Mme d'Épinay composa et dont je fis encore la musique. Grimm, en arrivant, entendit parler de mes succès harmoniques. 1 heure après, on n'en parla plus. Mais du moins, on ne mit plus en question, que je sache, si je savais la composition. À peine Grimm fut-il à la Chevrette, où déjà je ne me plaisais pas trop, qu'il acheva de m'en rendre le séjour insupportable, par des airs que je ne vis jamais à personne et dont je n'avais pas même l'idée. La veille de son arrivée, on me délogea de la chambre de faveur que j'occupais, contiguë à celle de Madame d'Épinay. On la prépara pour Monsieur Grimm, et on m'en donna une autre plus éloignée. « Voilà !» dis-je en riant à Madame d'Épinay. « Comment les nouveaux venus déplacent les anciens ?» Elle parut embarrassée. J'en compris mieux la raison dès le même soir, en apprenant qu'il y avait entre sa chambre et celle que je quittais une porte masquée de communication qu'elle avait jugée inutile de me montrer. Son commerce avec Grimm n'était ignoré de personne, ni chez elle, ni dans le public, pas même de son mari. Cependant, loin d'en convenir avec moi, confident des secrets qui lui importaient beaucoup davantage et dont elle était bien sûre, elle s'en défendit toujours très fortement. Je compris que cette réserve venait de Grimm, qui, dépositaire de tous mes secrets, ne voulait pas que je le fusse d'aucun des siens. quelques préventions que mes anciens sentiments, qui n'étaient pas éteints, et le mérite réel de cet homme-là me donnassent en sa faveur. Elle ne put tenir contre les soins qu'il prit pour la détruire. Son abord fut celui du comte de Tuffière. À peine daigna-t-il me rendre le salut. Il ne m'adressa pas une seule fois la parole et me corrigea bientôt de la lui adresser en ne me répondant point du tout. Il passait partout le premier, prenait partout la première place, sans jamais faire aucune attention à moi. Passe pour cela, s'il n'y eût pas mis une affectation choquante. Mais on en jugera par un seul trait pris entre mille. Un soir, Madame d'Épinay, se trouvant un peu incommodée, dit qu'on lui portât un morceau dans sa chambre et monta pour souper au coin de son feu. Elle me proposa de monter avec elle. Je le fis. Grimm vint ensuite. La petite table était déjà mise. Il n'y avait que deux couverts. On sert. Madame d'Épinay prend sa place à l'un des coins du feu. Monsieur Grimm prend un fauteuil, s'établit à l'autre coin, tire la petite table entre deux, déplie sa serviette et se met en devoir de manger, sans me dire un seul mot. Madame d'Épinay rougit et, pour l'engager à réparer sa grossièreté, m'offre sa propre place. Il ne dit rien, ne me regarda pas. Ne pouvant approcher du feu, je pris le parti de me promener par la chambre en attendant qu'on m'apportât un couvert. Il me laissa souper au bout de la table, loin du feu, sans me faire la moindre honnêteté. À moi, incommodé, son aîné, son ancien dans la maison, qu'il y avait introduit, et à qui même, comme favori de la dame, il eût dû faire les honneurs. Toutes ses manières avec moi répondaient fort bien à cet échantillon. Il ne me traitait pas précisément comme son inférieur, il me regardait comme nul. J'avais peine à reconnaître là l'ancien cuistre qui, chez le prince de Saxe-Gotha, se tenait honoré de mes regards. J'en avais encore plus à concilier ce profond silence et cette morgue insultante avec la tendre amitié qu'il se vantait d'avoir pour moi, près de tous ceux qu'il savait en avoir eux-mêmes. Il est vrai qu'il ne la témoignait guère que pour me plaindre de ma fortune, dont je ne me plaignais point, pour compatir à mon triste sort, dont j'étais content, et pour se lamenter de me voir me refuser durement aux soins bienfaisants qu'il disait vouloir me rendre. C'était avec cet art qu'il faisait admirer sa tendre générosité, blâmer mon ingrate misanthropie, et qu'il accoutumait insensiblement tout le monde à n'imaginer entre un protecteur tel que lui et un malheureux tel que moi que des liaisons de bienfaits d'une part et d'obligations de l'autre, sans y supposer, même dans les possibles, une amitié d'égal à égal. Pour moi, j'ai cherché vainement en quoi je pouvais être obligé à ce nouveau patron. Je lui avais prêté de l'argent, il ne m'en prêta jamais. Je l'avais gardé dans sa maladie, à peine me venait-il voir dans les miennes. Je lui avais donné tous mes amis, il ne m'en donna jamais aucun des siens. Je l'avais prôné de tout mon pouvoir, et lui, s'il m'a prôné, c'est moins publiquement et c'est d'une autre manière. Jamais il ne m'a rendu ni même offert aucun service d'aucune espèce. Comment était-il donc mon mécène? Comment étais-je son protégé? Cela me passait, et me passe encore. Il est vrai que, du plus au moins, il était arrogant avec tout le monde, mais avec personne aussi brutalement qu'avec moi. Je me souviens qu'une fois, Saint Lambert faillit à lui jeter son assiette à la tête, sur une espèce de démenti qu'il lui donna en pleine table, en lui disant grossièrement « Cela n'est pas vrai ». À son ton naturellement tranchant, il ajouta la suffisance d'un parvenu, et devint même ridicule à force d'être impertinent. Le commerce des grands l'avait séduit au point de se donner à lui-même des airs qu'on ne voit qu'au moins sensés d'entre eux. Il n'appelait jamais son laquais que par « Hé !» comme si, sur le nombre de ses gens, Monseigneur n'eût pas su lequel était de garde. Quand il lui donnait des commissions, il lui jetait l'argent par terre, au lieu de le lui donner dans la main. Enfin, oubliant tout à fait qu'il était homme, il le traitait avec un mépris si choquant, avec un dédain si dur en toute chose, que ce pauvre garçon, qui était un fort bon sujet, que Madame d'Épinay lui avait donné, quitta son service sans autre grief que l'impossibilité d'endurer de pareils traitements. C'était le Lafleur de ce nouveau glorieux. Aussi fat qu'il était vain, avec ses gros yeux troubles et sa figure dégingandée, il avait des prétentions près des femmes. Et depuis sa farce avec Mademoiselle Fell, il passait auprès de plusieurs d'entre elles pour un homme à grand sentiment. Cela l'avait mis à la mode et lui avait donné du goût pour la propreté de femme. Il se mit à faire le beau, sa toilette devint une grande affaire, tout le monde sut qu'il mettait du blanc. Et moi, qui n'en croyais rien, je commençais de le croire, non seulement par l'embellissement de son teint et pour avoir trouvé des tasses de blanc sur sa toilette, mais sur ce qu'entrant un matin dans sa chambre, je le trouvais brossant ses ongles avec une petite vergette faite exprès, ouvrage qu'il continua fièrement devant moi. Je jugeais qu'un homme qui passe 2 heures tous les matins à brosser ses ongles peut bien passer quelques instants à remplir de blanc les creux de sa peau. Le bonhomme Gaufrecourt, qui n'était pas sac à diable, l'avait assez plaisamment surnommé Tirant le blanc. Tout cela n'était que des ridicules, mais bien antipathiques à mon caractère. Ils achevèrent de me rendre suspect le sien. J'eus peine à croire qu'un homme à qui la tête tournait de cette façon pût conserver un cœur bien placé. Il ne se piquait de rien tant que de sensibilité d'âme et d'énergie de sentiment. Comment cela s'accordait-il avec des défauts qui sont propres aux petites âmes? Comment les vifs et continuels élans que fait hors de lui-même un cœur sensible peuvent-ils le laisser s'occuper sans cesse de tant de petits soins pour sa petite personne? Eh, mon Dieu, celui qui sent embraser son cœur de ce feu céleste cherche à l'exhaler et veut montrer le dedans. Il faudrait mettre son cœur sur son visage. Il n'imaginera jamais d'autre phare. Je me rappelais le sommaire de sa morale que Madame d'Épinay m'avait dit et qu'elle avait adopté. Ce sommaire consistait en un seul article, savoir que l'unique devoir de l'homme est de suivre en tout les penchants de son cœur. Cette morale, quand je l'appris, me donna terriblement à penser, quoique je ne l'apprisse alors que pour un jeu d'esprit. Mais je vis bientôt que ce principe était réellement la règle de conduite, et je n'en eus que trop dans la suite la preuve à mes dépens. C'est la doctrine intérieure dont Diderot m'a tant parlé, mais qu'il ne m'a jamais expliquée. Je me rappelais les fréquents avis qu'on m'avait donnés il y a plusieurs années, que cet homme était faux, qu'il jouait le sentiment, et surtout qu'il ne m'aimait pas. Je me souvins de plusieurs petites anecdotes que m'avaient là-dessus racontées M. de Franqueuil et Mme de Chenonceau, qui ne l'estimaient ni l'un ni l'autre, et qui devaient le connaître, puisque Mme de Chenonceau était fille de Mme de Rochechouart, intime amie du feu comte de Friese, et que M. de Franqueuil, très lié alors avec le vicomte de Polignac, avait beaucoup vécu au palais royal, précisément quand Grimm commençait à s'y introduire. Tout Paris fut instruit de son désespoir après la mort du comte de Friese. Il s'agissait de soutenir la réputation qu'il s'était donnée après les rigueurs de Mademoiselle de Fell, et dont j'aurais vu la forfanterie mieux que personne, si j'eusse alors été moins aveuglé. Il fallut l'entraîner à l'hôtel de Castries, où il joua dignement son rôle, livré à la plus mortelle affliction. Là, tous les matins, il allait dans le jardin pleurer à son aise, tenant sur ses yeux son mouchoir baigné de larmes, tant qu'il était en vue de l'hôtel. Mais au détour d'une certaine allée, des gens auxquels il ne songeait pas, le virent mettre à l'instant son mouchoir dans sa poche et tirer un livre. Cette observation, qu'on répéta, fut bientôt publique dans tout Paris, et presque aussitôt oubliée. Je l'avais oublié moi-même. Un fait qui me regardait servit à me la rappeler. J'étais à l'extrémité dans mon lit rue de Grenelle. Il était à la campagne. Il vint un matin me voir, tout essoufflé, disant qu'il venait d'arriver à l'instant même. Je sus un moment après qu'il était arrivé de la veille et qu'on l'avait vu au spectacle le jour même. Il me revint mille faits de cette espèce, mais une observation que je fus surpris de faire si tard me frappa plus que tout cela. J'avais donné à Grimm tous mes amis, sans exception. Ils étaient tous devenus les siens. Je pouvais si peu me séparer de lui que j'aurais à peine voulu me conserver l'entrée d'une maison où il ne l'aurait pas eue. Il n'y eut que Madame de Créqui qui refusa de l'admettre, et qu'aussi je cessais presque de voir depuis ce temps-là. Grimm, de son côté, se fit d'autres amis, tant de son estoc que de celui du comte de Friese. De tous ces amis-là, jamais un seul n'est devenu le mien. Jamais il ne m'a dit un mot pour m'engager de faire au moins leur connaissance. Et de tous ceux que j'ai quelquefois rencontrés chez lui, jamais un seul ne m'a marqué la moindre bienveillance. Pas même le comte de Friese, chez lequel il demeurait, et avec lequel il m'eût par conséquent été très agréable de former quelques liaisons. Ni le comte de Schomberg, son parent, avec lequel Grimm était encore plus familier. Voici plus. Mes propres amis, dont je fis les siens, et qui tous m'étaient tendrement attachés avant sa connaissance, changèrent sensiblement pour moi quand elle fut faite. Il ne m'a jamais donné aucun des siens, je lui ai donné tous les miens, et il a fini par me les tous ôter. Si ce sont là des effets de l'amitié, quels seront donc ceux de la haine ? Diderot même, au commencement, m'avertit plusieurs fois que Grimm, à qui je donnais tant de confiance, n'était pas mon ami. Dans la suite, il changea de langage quand lui-même eut cessé d'être le mien. La manière dont j'avais disposé de mes enfants n'avait besoin du concours de personne. J'en instruisis cependant mes amis uniquement pour les en instruire, pour ne pas paraître à leurs yeux meilleur que je n'étais. Ces amis étaient au nombre de trois. Diderot, Grimm, Madame d'Épinay. Duclos, le plus digne de ma confidence, fut le seul à qui je ne la fis pas. Il l'a su, cependant. Par qui ? Je l'ignore. Il n'est guère probable que cette infidélité soit venue de Madame d'Épinay, qui savait qu'en l'imitant, si j'en eusse été capable, j'avais de quoi m'en venger cruellement. Restent Grimm et Diderot. Alors, si unis en tant de choses, surtout contre moi, qu'il est plus que probable que ce crime leur fût commun. Je parierais que Duclos, à qui je n'ai pas dit mon secret, et qui par conséquent en était le maître, est le seul qui me l'ait gardé. Grimm et Diderot, dans leur projet de m'ôter les gouverneuses, avaient fait effort pour le faire entrer dans leur vue. Il s'y refusa toujours avec dédain. Ce ne fut que dans la suite que j'appris de lui tout ce qui s'était passé entre eux à cet égard. Mais j'en appris dès lors assez par Thérèse pour voir qu'il y avait à tout cela quelque dessein secret et qu'on voulait disposer de moi, sinon contre mon gré, du moins à mon insu. Ou bien qu'on voulait faire servir ces deux personnes d'instrument à quelque dessein caché. Tout cela n'était assurément pas de la droiture. L'opposition de Duclos le prouve, sans réplique. Croira qui voudra que c'était de l'amitié. Cette prétendue amitié m'était aussi fatale au-dedans qu'au-dehors. Les longs et fréquents entretiens avec Madame Levasseur, depuis plusieurs années, avaient changé sensiblement cette femme à mon égard, et ce changement ne m'était assurément pas favorable. De quoi traitait-il donc dans ces singuliers tête-à-tête ? Pourquoi ce profond mystère ? La conversation de cette vieille femme était-elle donc assez agréable pour la prendre ainsi en bonne fortune et assez importante pour en faire un si grand secret. Depuis 3 ou 4 ans que ces colloques duraient, ils m'avaient paru risibles. En y repensant alors, je commençais de m'en étonner. Cet étonnement eût été jusqu'à l'inquiétude si j'avais su dès lors ce que cette femme me préparait. Malgré le prétendu zèle pour moi dont Grimm se targuait au dehors, et difficile à concilier avec le ton qu'il prenait vis-à-vis de moi-même, il ne me revenait rien de lui d'aucun côté qui fût à mon avantage, et la commisération qu'il feignait d'avoir pour moi tendait bien moins à me servir qu'à m'avilir. Il m'ôtait même, autant qu'il était en lui, la ressource du métier que je m'étais choisi, en me décriant comme un mauvais copiste. Et je conviens qu'il disait en cela la vérité, mais ce n'était pas à lui de la dire. Il prouvait que ce n'était pas plaisanterie en se servant d'un autre copiste et en ne me laissant aucune des pratiques qu'il pouvait m'ôter. On eût dit que son projet était de me faire dépendre de lui et de son crédit pour ma subsistance, et d'en tarir la source jusqu'à ce que j'en fusse réduit là. Tout cela résumé, ma raison fit taire enfin mon ancienne prévention qui parlait encore. Je jugeais son caractère au moins très suspect, et quant à son amitié, je la décidais fausse. Puis, résolue de ne le plus voir, j'en avertis Madame d'Épinay, appuyant ma résolution de plusieurs faits sans réplique, mais que j'ai maintenant oublié. Elle combattit fortement cette résolution, sans savoir trop que dire aux raisons sur lesquelles elle était fondée. Elle ne s'était pas encore concertée avec lui. Mais le lendemain, au lieu de s'expliquer verbalement avec moi, elle me remit une lettre très adroite qu'ils avaient minutée ensemble et par laquelle, sans entrer dans aucun détail des faits, elle le justifiait par son caractère concentré et, me faisant un crime de l'avoir soupçonné de perfidie envers son ami, m'exhortait à me raccommoder avec lui. Cette lettre m'ébranla. Dans une conversation que nous eûmes ensuite, et où je la trouvais mieux préparée qu'elle n'était la première fois, j'achevais de me laisser vaincre. J'en vins à croire que je pouvais avoir mal jugé, et qu'en ce cas, j'avais réellement, envers un ami, des torts graves que je devais réparer. Bref, comme j'avais déjà fait plusieurs fois avec Diderot, avec le baron d'Holbach, moitié gré, moitié faiblesse, je fis toutes les avances que j'avais droit d'exiger. J'allais chez Grimm comme un autre Georges Dandin, lui faire des excuses des offenses qu'il m'avait faites. Toujours dans cette fausse persuasion qui m'a fait faire en ma vie 1000 bassesses auprès de mes fins amis, qu'il n'y a point de haine qu'on ne désarme à force de douceur et de bons procédés. Au lieu qu'au contraire, la haine des méchants ne fait que s'animer davantage par l'impossibilité de trouver sur quoi la fonder. Et le sentiment de leur propre injustice n'est qu'un grief de plus contre celui qui en est l'objet. J'ai, sans sortir de ma propre histoire, une preuve bien forte de cette maxime dans Grimm et dans Tronchin, devenus mes deux plus incapables ennemis par goût, par plaisir, par fantaisie, sans pouvoir alléguer aucun tort d'aucune espèce que j'ai eu jamais avec aucun des deux, et dont la rage s'accroît de jour en jour, comme celle des tigres, par la facilité qu'ils trouvent à l'assouvir. Je m'attendais que, confus de ma condescendance et de mes avances, Grimm me recevrait, les bras ouverts, avec la plus tendre amitié. Et il me reçut en empereur romain, avec une morgue que je n'ai jamais vue à personne. Je n'étais point du tout préparé à cet accueil. Quand, dans l'embarras d'un rôle si peu fait pour moi, j'eus rempli en peu de mots et d'un air timide l'objet qui m'amenait près de lui, avant de me recevoir en grâce, il prononça, avec beaucoup de majesté, une longue harangue qu'il avait préparée, et qui contenait la nombreuse énumération de ses rares vertus, et surtout dans l'amitié. Il appuya sur une chose qui d'abord me frappa beaucoup. c'est qu'on lui voyait toujours conserver les mêmes amis. Tandis qu'il parlait, je me disais tout bas qu'il serait bien cruel pour moi de faire seule exception à cette règle. Il y revint si souvent et avec tant d'affectation qu'il me fit penser que, s'il ne suivait en cela que les sentiments de son cœur, il serait moins frappé de cette maxime, et qu'il s'en faisait un art utile à ses vues dans les moyens de parvenir. Jusqu'alors, j'avais été dans le même cas. J'avais conservé toujours tous mes amis, depuis ma plus tendre enfance. Je n'en avais pas perdu un seul, si ce n'est par la mort. Et cependant, je n'en avais pas fait jusqu'alors la réflexion. Ce n'était pas une maxime que je me fusse prescrite. Puisque c'était un avantage alors commun à l'un et à l'autre, pourquoi donc s'en targuait-il par préférence, si ce n'est qu'il songeait davantage à me l'ôter? Il s'attacha ensuite à m'humilier par des preuves de la préférence que nos amis communs lui donnaient sur moi. Je connaissais aussi bien que lui cette préférence. La question était à quel titre il l'avait obtenue. Si c'était à force de mérite ou d'adresse, en s'élevant lui-même ou en cherchant à me rabaisser. Enfin, quand il eut mis à son gré, entre lui et moi, toute la distance qui pouvait donner du prix à la grâce qu'il m'allait faire, il m'accorda le baiser de paix, dans un léger embrassement qui ressemblait à l'accolade que le roi donne au nouveau chevalier. Je tombai des nues. J'étais ébahie, je ne savais que dire, je ne trouvais pas un mot. Toute cette scène eut l'air de la réprimande qu'un précepteur fait à son disciple, en lui faisant grâce du fouet. Je n'y pense jamais, sans sentir combien sont trompeurs les jugements fondés sur l'apparence, auxquels le vulgaire donne tant de poids. Combien souvent l'audace et la fierté sont du côté du coupable, la honte et l'embarras du côté de l'innocent. Nous étions réconciliés. C'était toujours un soulagement pour mon cœur, que toute querelle jette dans des angoisses mortelles. On se doute bien qu'une pareille réconciliation ne changea pas ses manières. Elle m'ôta seulement le droit de m'en plaindre. Aussi pris-je le parti d'endurer tout et de ne dire plus rien. Tant de chagrins, coup sur coup, me jetèrent dans un accablement qui ne me laissait guère la force de reprendre l'empire de moi-même. Sans réponse de Saint-Lambert, négligé de Madame d'Houdetot, n'osant plus m'ouvrir à personne, je commençais de craindre qu'en faisant de l'amitié l'idole de mon cœur, je n'eusse employé ma vie qu'à sacrifier à des chimères. Épreuve faite, il ne restait de toutes mes liaisons que deux hommes qui eussent conservé toute mon estime et à qui mon cœur put donner toute sa confiance. Duclos, que depuis ma retraite à l'ermitage j'avais perdu de vue, et Saint-Lambert. Je crus ne pouvoir bien réparer mes torts envers ce dernier qu'en lui déchargeant mon cœur sans réserve, et je résolus de lui faire pleinement mes confessions en tout ce qui ne compromettait pas sa maîtresse. Je ne doute pas que ce choix ne fût encore un piège de ma passion pour me tenir plus rapproché d'elle. Mais il est certain que je me serais jeté dans les bras de son amant sans réserve, que je me serais mis pleinement sous sa conduite et que j'aurais poussé la franchise aussi loin qu'elle pouvait aller. J'étais prêt à lui écrire une seconde lettre à laquelle j'étais sûr qu'il aurait répondu, quand j'appris la triste cause de son silence sur la première. Il n'avait pu soutenir jusqu'au bout les fatigues de cette campagne. Madame d'Épinay m'apprit qu'il venait d'avoir une attaque de paralysie. Et Madame d'Houdetot, que son affliction finit par rendre malade elle-même et qui fut hors d'état de m'écrire sur le champ, me marqua deux ou trois jours après, de Paris où elle était alors, qu'il se faisait porter à Aix-la-Chapelle pour y prendre les bains. Je ne dis pas que cette triste nouvelle m'affligea comme elle, mais je doute que le serrement de cœur qu'elle me donna fût moins pénible que sa douleur et ses larmes. Le chagrin de le savoir dans cet état, augmenté par la crainte que l'inquiétude n'eût contribué à l'y mettre, me toucha plus que tout ce qui m'était arrivé jusqu'alors. et je sentis cruellement qu'il me manquait, dans ma propre estime, la force dont j'avais besoin pour supporter tant de déplaisirs. Heureusement, ce généreux ami ne me laissa pas longtemps dans cet accablement. Il ne m'oublia pas, malgré son attaque, et je ne tardai pas d'apprendre par lui-même que j'avais trop mal jugé de ses sentiments et de son état. Mais il est temps d'en venir à la grande révolution de ma destinée, à la catastrophe qui a partagé ma vie en deux parties si différentes et qui, d'une bien légère cause, a tiré de si terribles effets.